L'Organisation mondiale de la santé recommande officiellement d'allaiter son enfant de façon exclusive pendant 6 mois et de poursuivre l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans. En France, on est bien loin de ces recommandations. Après un mois, seulement un nourrisson sur deux est encore allaité et un sur trois de façon exclusive. Nous avons donc voulu nous intéresser non pas tant au débat sur l'allaitement qu'à la lactation. Quel est ce phénomène? Comment se développe-t-il au cours de la vie d'une femme? Pourquoi le lait maternel est-il à ce point précieux pour le nouveau-né? Bref, on vous dit tout sur cet élixir magique et ses conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant. Lait maternel, le saint nectar, c'est le programme onctueux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer toute l'histoire physiologique de ce phénomène ainsi que la composition du lait maternel dans ses moindres détails, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gisèle Grémaud-Féger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-pédiatre néonatologiste au CHU de Brest et également enseignante et coordinatrice du diplôme universitaire lactation humaine et allaitement au CHU de Lille. Et nous sommes également en ligne avec Sandrine Truchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche chez INRAE. Mais on commence par un tour complet de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, vendredi, l'Antarctique a été frappée par une vague de chaleur aux températures records. Alors, ces données nous viennent de la base de recherche Concordia en Antarctique, installée sur le dôme C, à plus de 3000 mètres d'altitude et à 1500 km du pôle. Là-bas, c'est déjà l'automne. Et en automne, les températures diminuent très vite. Normalement, la température moyenne au mois de mars, dans cette région, c'est moins 55 degrés Celsius. Il y a quelques jours, on a vu une augmentation brusque, très rapide des températures, jusqu'à moins 11 degrés Celsius. Moins 11 degrés, c'est exceptionnellement chaud pour la région, c'est plus de 30 degrés au-dessus de la normale saisonnière. Et cela intervient aussi à un moment où la station française du Mont d'Urville, sur la côte, a enregistré un mois de mars très chaud et où la banquise de l'Antarctique a atteint sa plus petite superficie depuis le début des mesures en 1979, avec une surface de moins de 2 millions de kilomètres carrés. Gérard Kriner est directeur de recherche CNRS à l'IGE Grenoble. Il travaille sur les régions polaires. La cause de ça, c'est la circulation atmosphérique. Il y a une masse d'air chaude qui est venue d'Australie, qui a été portée très rapidement d'Australie vers l'intérieur du continent antarctique. Et c'est ça qui a fait monter la température très rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver dans cette région est très long. Donc là, on est déjà presque en hiver. Et c'est pas tellement exceptionnel de voir des variations de température fortes au cœur de l'hiver, à cet endroit, au cœur de l'Antarctique. Justement parce qu'il y a des événements de circulation qui amènent des masses d'air chaude du nord, parce que c'est dans le nord qu'il fait plus chaud, on est dans l'hémisphère sud, donc qui amènent des masses d'air chaude de l'océan ou d'Australie vers l'intérieur du continent. Donc ça se voit régulièrement que la température monte d'une vingtaine de degrés en quelques jours. Mais là, c'est un événement quand même extrêmement exceptionnel, parce que c'est quand même 40 degrés au-dessus de ce qu'on devrait normalement attendre. Là, il fait moins 55 en moyenne à cette saison. Ben là, il a fait moins 11 pendant quelques jours. Donc l'événement en tant que tel, il n'est pas inquiétant dans le sens où c'est pas ça qui va causer la fonte immédiate de la calotte de glace. C'est juste éventuellement un signe, un de plus, du changement climatique qui est en cours. Encore une fois, 40 degrés, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ce qu'on connaît pour cette région. Là, c'est un événement extrême de courte durée. Et ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il n'y a pas de signe très fort que leur fréquence en Antarctique augmentera forcément. Par contre, leur intensité, c'est-à-dire la température qu'ils amènent, pour ainsi dire, elle va forcément augmenter. Donc évidemment, c'est pas forcément le nombre d'événements, de variations brusques de température qui va augmenter. Par contre, l'intensité augmente. Mais dans le rapport du GIEC, auquel j'ai participé d'ailleurs, on a très clairement dit que globalement, le nombre de vagues de chaleur augmente. C'était prédit depuis longtemps. Le nombre d'événements de précipitations extrêmes augmente. Et ça aussi, c'était prédit depuis longtemps et il y a des bonnes raisons physiques pour le dire. Voilà, et vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes celles qui seront évoquées dans le Journal des Sciences et dans l'émission sur notre fil Twitter. à la méthode FC. Et on passe au bref. Dans une tribune dans le journal Le Monde, hier, des spécialistes de la santé et des universitaires réclament un plan Marshall pour l'hôpital public. Oui, les signataires rappellent que le système hospitalier, soumis depuis plus de 15 ans au seul impératif de rentabilité et de restructuration, est aujourd'hui à bout de souffle. Cette tribune dresse le bilan désastreux d'un hôpital entreprise et appelle les candidats à sauver l'hôpital public avec 5 priorités, avec notamment un moratoire sur les fermetures de lits, la création de 50 000 postes de soignants, la revalorisation des métiers du soin et de nouveaux modèles de financement. La refondation de notre système hospitalier, si souvent évoquée en 2020, n'est plus mentionnée que marginalement dans la campagne présidentielle. Elle est pourtant indispensable. Selon une étude parue dans la revue Cell Reports Medicine, il existerait un lien génétique entre l'endométriose et le cancer de l'ovaire. Et les femmes qui souffrent d'endométriose, soit une femme sur 10, connaissent également un léger surrisque de développer un cancer des ovaires. Des chercheurs australiens ont analysé les génomes de 25 000 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire et de 15 000 autres atteintes d'endométriose. Ils ont découvert 28 emplacements dans le génome humain associés à ces deux pathologies, qui seraient donc biologiquement liées. Selon les auteurs, ces cibles génomiques sont précieuses pour comprendre les mécanismes biologiques qui relient ces maladies et pour développer de nouvelles thérapies. Et enfin, à 8 000 mètres sous la surface de la mer, les chercheurs ont découvert un étonnant écosystème sous-marin. Et l'expédition Atacama Adal a conduit pour la première fois des humains à 8000 mètres de profondeur dans l'est de l'océan Pacifique, dans la fosse d'Atacama ou la fosse Pérou-Chili. Alors, lors de cette expérience de géologie sous-marine, les chercheurs ont découvert avec grande surprise un pâturage d'holothuries, des concombres de mer, qui broutaient au fond de la fosse d'Atacama. Des concombres de mer translucides, comme de la gelée, qui n'avaient encore jamais été observés, mais aussi des amphipodes, des petits crustacés proches de la crevette, et des communautés bactériennes. On ne s'attendait pas à découvrir un écosystème océanique à de telles profondeurs. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. À chaque époque, son propre rapport à l'allaitement. Avant l'ère moderne, par exemple, il était courant de penser que le lait maternel des femmes de la ville était plus pauvre et moins riche que celui des femmes de la campagne, à qui l'on demandait d'ailleurs souvent de faire office de nourrice. Puis, dans les années 60-70, avec la multiplication des formules lactiques, il était bien vu de remplacer l'allaitement, ou tout du moins de le compléter par du lait en poudre. Écoutez donc notre archive du jour. Nous sommes en 1974, dans la mission Interfemmes. Il est effectivement important que la mère nourrisse son enfant. Le lait maternel est celui qui est le plus adapté à la nutrition du nouveau-né. Se pose ensuite le problème des modalités et de la durée de l'alimentation au sein. Modalité d'abord, et cela rejoint une question donc qui m'est posée, l'enfant réclame des biberons supplémentaires au tété au sein, est-ce normal? Eh bien, initialement, dans la période néonatale immédiate, dans les 10 premiers jours et également pendant les 10-15 premiers jours parfois, l'allaitement au sein est insuffisant. Et il est bon de compléter si la lactation ne suffit pas avec des biberons complémentaires. Ultérieurement, l'enfant étant plus grand et la lactation étant bien déclenchée, il n'y a pas besoin de biberons supplémentaires, mais il y a un problème ensuite de durée d'alimentation. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 2-3 mois, l'allaitement au sein exclusif n'est pas ce qui est le plus commode et le mieux à conseiller en pratique courante. Il est à ce moment-là licite et même souhaitable d'introduire un biberon en cours d'après-midi, par exemple, ou pour la dernière tétée, un biberon de lait qui, à ce moment-là, contiendra une petite quantité de farine. Voilà le professeur Jean-Claude Gabilan, chef de service pédiatrique. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, Sandrine Truchet. On était en 1974, on voit bien que effectivement les recommandations varient avec l'époque. Et en l'occurrence, comment est-ce que vous interprétez, vous, la différence entre ce discours-là et celui qu'on peut entendre communément aujourd'hui? Alors, 1974, pour tout vous dire, c'est mon année de naissance. Ah. Et ma mère me disait encore il n'y a pas longtemps qu'elle était une des rares à m'allaiter, en fait, quand elle m'a eue. Et je pense que à cette époque, effectivement, l'arrivée des formules, on va dire, et le côté pratique que ça pouvait avoir pour des femmes qui travaillaient, a effectivement peut-être mis un peu l'allaitement de côté. Mais c'est quelque chose qui revient. Alors peut-être là aussi avec des mouvements, on va dire, ou des idées sociétales autour du bio, de la nature. Malgré tout, ce qu'on peut dire, sans dire qu'il faut absolument allaiter, c'est que le lait maternel est évidemment l'aliment le plus adapté, puisqu'il est produit par la même espèce. C'est un lait humain pour un humain. Mais encore une fois, l'allaitement, c'est quelque chose de très personnel, donc... Voilà. Je pense que déjà à l'époque, ils avaient bien... Enfin voilà, ce qu'ils ont entendu dans le reportage est bien cadré avec ce qu'on pourrait encore dire aujourd'hui, oui. C'est ça. Alors on va évidemment dire et répéter hein, que l'allaitement est une affaire personnelle et que chaque femme et chaque mère décide en son âme et conscience et avec toute la liberté possible. Un mot tout de même, Gisèle Grémaud-Fégère, parce qu'on entend notamment la recommandation de l'OMS. Hein, L'OMS, je le disais tout à l'heure, qui dit qu'il faut allaiter exclusivement pendant 6 mois et continuer à allaiter pendant 2 ans. Il faut peut-être replacer un peu le contexte dans lequel l'OMS produit cette recommandation. C'est principalement pour bien les familles, les femmes, notamment dans les pays moins développés, avec des problèmes d'accès à l'eau, que pour les pays occidentaux. Est-ce que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le comprendre ? L'OMS fait des recommandations sans forcément distinguer pour qui elle les fait. Donc effectivement, c'est sûr que l'allaitement est vital dans certains pays. Et clairement, dans les pays, ben, comme vous venez de le dire, on n'a pas accès à l'eau et on n'a pas accès à l'hygiène de base pour reconstituer une alimentation artificielle. Oui, clairement, c'est vital et c'est vrai encore aujourd'hui. Et cette recommandation, elle s'applique à qui a envie de l'appliquer dans un pays où on peut faire une alimentation artificielle dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Mais c'est toujours très très compliqué de comparer l'alimentation artificielle et l'aliment maternel parce qu'en termes d'effets santé sur les deux partenaires, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Par rapport au reportage, oui, dans les années 70, dans tous les pays développés, c'est là où on a les prévalences d'allaitement les plus faibles pour des raisons multifactorielles. Voilà. On ne va pas s'étendre puisque c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du jour. Absolument. Voilà, mais c'est... Voilà. Néanmoins, juste une question très rapide pour conclure avec cette question-là, Gisèle Grémaud-Fégère. Aujourd'hui, les prévalences d'allaitement, par exemple, en France ou dans les pays occidentaux, quelles sont-ils? Alors, bah, je peux vous répondre en France, mais bon, si on compare les pays occidentaux, si vous comparez la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Australie, ou même l'Italie, l'Allemagne, la France, nous, on est quand même un des plus mauvais élèves de la classe, en tout cas en Europe. C'est une pratique qui est très, très minoritaire. On a très, très peu de données nationales. Les dernières données, avec un suivi jusqu'à un an, ont été publiées en 2015. Il y avait à peu près 2 femmes sur 3 qui initiaient un allaitement. Et puis, comme vous l'avez indiqué en introduction, ça suit très, très, très, très rapidement à 1 mois, ce qui fait que à 4 mois en France, on a à peine 20% des femmes qui allaitent encore, alors qu'en Allemagne ou en Italie, elles sont à environ 50%. Un mot rapide, Sandrine Truchet, sur ces taux de prévalence de l'allaitement en France ou en règle générale. Il y a quelques commentaires que vous souhaiteriez faire? Bah, de toute façon, enfin, clairement, ça va aussi avec l'évolution de la société, le travail des femmes, le congé maternité qui permet effectivement de laisser le temps d'allaiter à 100%. Et puis, voilà, c'est pas une question que de mode, c'est aussi une question de pratique dans la vie de tous les jours, je pense, des femmes. Évidemment, et on le répète, hein, bien sûr, l'allaitement est tout à fait une affaire personnelle, et donc, quelles que soient les recommandations, libre à chacune d'allaiter tout à fait comme elle le souhaite, puisque notre sujet du jour n'est pas tant l'allaitement que la lactation, et de comprendre exactement quelles sont les mécaniques physiologiques de la lactation, ce qu'il y a de si précieux dans ce lait maternel, comment cela fonctionne, quel est le lien qui s'établit notamment avec le nourrisson, c'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de lactation tout au long de cette heure en compagnie de Gisèle Grémaud-Fégère et Sandrine Truchet. Si on repart depuis le tout début de cette histoire, eh bien on repart depuis le développement du sein. Gisèle Grémaud-Fégère, comment est-ce que le sein bien finit par se former pour se préparer évidemment à une grossesse et donc à la possibilité de l'allaitement? Eh bien, c'est quelque chose qui va déjà commencer in utero pour la future adulte avec le développement d'une glande mammaire. qui va rester quiescente jusqu'à la puberté et avec une phase de développement qui va commencer à la puberté avec notamment un développement des canaux à partir de la plaque aérolo-mamelonnaire qui vont envahir progressivement le tissu adipeux. Puis, à chaque cycle menstruel, une préparation aussi de la glande. Et puis, évidemment, c'est pendant la grossesse que la glande va prendre son potentiel avec dans un environnement évidemment hormonal adéquat. Si cette glande s'est suffisamment développée au préalable, eh bien ce développement va aboutir à la différenciation, à l'apparition de cellules ultra spécialisées qui vont commencer à produire un petit peu de lait à peu près à mi-grossesse, même si évidemment ce développement se poursuit jusqu'à la fin de la grossesse et même grosso modo, en tout cas dans l'espèce humaine, à peu près jusqu'au premier mois de la lactation. Alors, avant d'en arriver à la grossesse, peut-être un mot, Gisèle Grémaud-Féché, qu'est-ce qui se différencie à la puberté entre l'homme et la femme? Quel est à un moment donné le déclencheur finalement de la croissance du sein et de ces différentes composantes et notamment des alvéoles et de toute la structure qui va permettre la lactation? C'est vraiment la puberté avec l'environnement hormonal qui va faire que chez la jeune femme, au moment de la puberté, sous l'influence des œstrogènes pour le développement des canaux et puis sous l'influence de la progestérone pour l'apparition plutôt du système productif alvéolaire. Et c'est vraiment cette différenciation hormonale qui fait qu'on a cette apparition de glandes mammaires ne deviendront fonctionnelles par contre que pendant la grossesse et la lactation. Sandrine Truchet, un mot sur le développement justement du sein, des glandes mammaires et de l'appareil de lactation. Je crois que Gisèle a très bien résumé. Évidemment, le fond du fond, c'est quand il y a une grossesse qui s'établit. Et évidemment, la cellule épithéliale mammaire, puisque c'est elle qui produit le lait, à ce moment-là, va se différencier. Comme l'a dit Gisèle, il va y avoir vraiment une ultra-spécialisation, que ce soit en termes de fonctionnement, donc avec la production du colostrum puis du lait, et aussi au niveau morphologique. Ce sont des cellules qui adoptent une morphologie très particulière pour pouvoir sécréter le lait d'une manière très particulière. C'est un organe assez unique en termes de modèle de sécrétion, d'ailleurs, pour ça. Alors, si on se place au début de la grossesse, donc, vous le disiez à l'instant, Gisèle Grémaud-Féché, il y a deux temps, il y a les quatre premiers mois, jusqu'à mi-grossesse à peu près, où tout l'appareil va progressivement se mettre en place, mais pas encore pour produire ce qui va devenir après du lait maternel. Il y a différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Eh bien, la première partie de la grossesse sur une glande qui est déjà présente et dans un environnement adéquat, le développement se produit avec la poursuite du développement du système canalaire, l'apparition des lobules, des alvéoles et puis surtout cette apparition d'une différenciation cellulaire de cette cellule, comme vient de le dire Sandrine, ultra spécialisée et tout à fait unique dans son genre, sous l'influence de tout ce fond commun d'hormones qui intervient pendant la grossesse, la parturition, le progestérone, le gestrogène, la prolactine, bien évidemment, l'hormone de croissance, mais aussi beaucoup d'hormones métaboliques, beaucoup de nombreux facteurs de croissance. Donc, ça va se traduire anatomiquement par une augmentation du volume mammaire, qui est souvent un signe assez précoce de la grossesse, qui a été mesuré dans un certain nombre d'études et qui est déterminé notamment en partie par un rôle très très fort de la prolactine et de l'hormone lactogène placentaire. Voilà. Et puis, ce qui fait qu'à la fin de la grossesse, le volume de tissu mammaire aura augmenté de façon significative. Et puis, va apparaître, bien sûr, cette phase de différenciation sécrétoire où la glande commence à sécréter des éléments du lait. Ça veut dire que le système de lobules et d'alvéoles est suffisamment développé. On parle de lactocytes, et c'est à ce stade qu'on a un début de synthèse de l'egg colostral. Mais pendant la grossesse, la sécrétion, elle est freinée parce que les taux de progestérone, évidemment, sont élevés. Mmh. Alors peut-être qu'on peut faire ce distinguo, vous parlez de l'egg colostral ou de colostrum, c'est-à-dire qu'effectivement, tout l'appareil de lactation est prêt ou quasiment prêt pendant la grossesse, mais ce premier lait qui est sécrété, c'est donc du colostrum, c'est pas exactement le lait qui va être sécrété une fois passé l'accouchement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? On verra peut-être la différence de composition tout à l'heure avec Sandrine Truchet entre le colostrum et le lait maternel, mais en l'occurrence, qu'est-ce qui va basculer le système de l'un à l'autre, Gisèle Grémaud-Fégé? Alors, ça va être, c'est pas une bascule qui va se faire comme on-off, hein, comme si on appuyait sur un bouton, c'est quelque chose qui va se faire un petit peu graduellement en termes de composition, mais c'est vrai que c'est le phénomène que l'on appelle l'activation sécrétoire, communément on utilise plutôt le terme de montée de lait, qui dans l'espèce humaine est décalé par rapport à la naissance. Et donc, au départ, on a un lait qui a des fonctions qui sont plus que nutritionnelles, qui sont surtout trophiques et immunologiques. C'est très important dans l'espèce humaine, et c'est probablement la raison d'ailleurs pour laquelle cette activation sécrétoire est décalée de 2-3 jours. Et puis après, on va passer par un lait qui va prendre 2-3 semaines pour atteindre un profil plus mature, où là, il y aura évidemment les mêmes éléments, mais les éléments qui ont beaucoup de valeur sur le plan trophique immunologique vont être pas remplacés, mais seront moins abondants, et on aura dans du lait plus mature après l'activation sécrétoire plus de lactose, plus de caséine, plus de graisse également, de notamment des triglycérides, voilà. C'est essentiellement ça qui va se passer. Sandrine Truchet, un mot sur cette bascule. En fait, qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement qui fait que donc le colostrum est prêt, et qu'est-ce qui fait que de ce colostrum, eh bien petit à petit, tout l'appareil de lactation va se mettre à produire d'autres types de molécules, en fait une autre composition chimique. Alors, comme l'a dit Gisèle, effectivement, on peut pas tellement parler de bascule, c'est plutôt une espèce de continuité et d'adaptation, en fait. Entre la grossesse puis après l'allaitement du petit qui est né, le colostrum effectivement est plus épais et puis contient beaucoup plus de molécules, notamment pour protéger le petit, donc des molécules avec un rôle immunologique. Le lait par la suite va progressivement plutôt acquérir des qualités nutritives, alors pas seulement, mais c'est vrai que la composition va évoluer plutôt en termes de protection, mais surtout nutrition. Et c'est pour ça que la lactation, il faut lui donner le temps, entre guillemets, de s'installer, de pouvoir se mettre en place. C'est pas du on-off, comme l'a dit Gisèle là aussi. C'est quelque chose qui n'est pas automatique. Disons que le système est prêt à la naissance, donc le colostrum est là, mais la sécrétion n'est pas très forte parce que la glande mammaire n'a pas de capacité de stockage, en tout cas pas chez l'humain. Et du coup, c'est une fois le petit né qu'il va demander du volume et de la quantité pour se nourrir cette fois-ci. Et donc la glande mammaire va effectivement s'adapter en termes de production d'un aliment complet qui est le lait, avec les glucides, les lipides et les graisses. Qu'est-ce qui détermine, Gisèle Grémaud-Fégé, la capacité de production d'une femme à la grossesse et à la naissance? Est-ce que il y a une différence flagrante entre deux individus différents? Est-ce qu'il y a des femmes qui produisent naturellement plus de lait? Est-ce qu'il faut s'inquiéter si les seins ne gonflent pas énormément? Comment est-ce que c'est régulé, cette différence-là? Alors, le mécanisme principal de régulation, il est relativement simple. Je parle une fois que la montée de lait est effectuée, c'est le principe de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les glandes mammaires vont produire ce qu'on leur demande de produire. Par exemple, si une femme a deux enfants, si elle a des jumeaux, eh bien, elle va produire, si elle a un système anatomique et hormonal adéquat qui lui permet de produire des quantités de lait suffisantes, eh bien, elle va s'adapter à cette demande qui est plus importante. Mais sinon, on sait qu'il y a une période de calibrage qui dure grosso modo le premier mois, et puis après, le volume de lait demandé par l'enfant ne bouge plus, il est en moyenne de 800 ml, personne n'est une moyenne, et donc c'est cette demande qui va faire le volume de lait produit. Voilà, pour la grande majorité des mères, évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a des situations où on n'arrive pas à produire assez de lait, ou voire pas du tout. Mais voilà, dans le mécanisme de régulation vraiment le plus élémentaire, c'est l'offre, enfin c'est la demande qui fait l'offre et donc le niveau de la quantité de lait produit. Quel est, parmi les systèmes de régulation principaux, Gilles Grémaud-Féger vient d'en parler, Sandrine Truchet, on parle de deux types de régulation, endocrine et autocrine. Il y a vraiment une bascule. Alors, je sais que vous arrêtez pas de me dire depuis tout à l'heure que c'est progressif et que c'est pas on and off. Néanmoins, il y a de la production de prolactine qui se passe après l'expulsion du placenta. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là, pour le coup, un vrai mécanique hormonal qui se met en place et qui était inhibé auparavant, pendant tout le temps de la grossesse. Alors disons que ce qui se met en place après la naissance, c'est quelque chose qui n'existait pas pendant la grossesse, c'est-à-dire que on va faire appel au réflexe d'éjection du lait qui est déclenché par la succion du petit. Donc ça, c'est tout à fait particulier, et effectivement, le fait que le petit tète le sein et demande finalement du lait va déclencher chez la mère une sécrétion de prolactine, notamment pour produire le lait, pour lui permettre d'être sécrété aussi, en conjonction avec une autre hormone qui est l'ocytocine, qui permet vraiment l'éjection du lait. Donc ce sont ces deux hormones qui vont permettre de produire et d'éjecter le lait au moment de la tétée et entre les tétées aussi. Comment est-ce que la prolactine d'abord et puis l'ocytocine ensuite, Gilles Grémaud-Féger, agissent-elles directement sur les récepteurs mammaires? Quelles sont les voies physiologiques et hormonales? Alors, on connaît assez bien les mécanismes globaux. Je pense que je laisserai peut-être la parole pour ce qui est des mécanismes plus cellulaires et même moléculaires. Mais voilà, on sait que le volume de lait à l'échelon cellulaire, il est déterminé par le volume de lactose. Le lactose, qui est un constituant majeur du lait humain, c'est un sucre qui est osmotiquement actif, c'est-à-dire qu'à chaque molécule de lactose qui est fabriquée, il faut qu'il y ait de l'eau, sinon il y a un déséquilibre du point de vue osmotique qui n'est pas compatible avec la survie de la cellule. Donc, ce sont des mécanismes, on va dire, moléculaires, et en particulier l'alpha-lactalbumine, une expression très très forte des gènes de l'alpha-lactalbumine, qui est fortement activé au moment de la montée de lait et puis qui est entretenu, voilà, pour la fabrication du lait. La prolactine, elle intervient directement sur la fabrication du lait au long de la lactation. On n'en a pas besoin forcément beaucoup, puisque la lactation peut être très prolongée dans notre espèce, alors même que les taux de prolactine vont diminuer. Donc voilà, c'est un mécanisme. Il passe évidemment. C'est complexe, ce que je dis est extrêmement réducteur. Je vais laisser peut-être Sandrine donner son point de vue, puisqu'elle est plus spécialisée sur l'activité cellulaire. Sandrine Truchet, on vous écoute pour compléter ce que vient de dire Gilles Grémaud-Féger. Je pense que globalement, le gros a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement la prolactine, une fois que la lactation est établie, il n'y a pas besoin d'en avoir des quantités énormes. Mais par contre, elle est quand même importante parce que c'est elle qui, directement sur les cellules épithéliales mammaires, donc qui produisent le lait, va stimuler les gènes, notamment des caséines, mais pas seulement, l'alpha-lactalbumine, etc. Et aussi le fonctionnement de cette cellule pour coordonner vraiment la production et de la partie protéique, donc les caséines, de la partie grasse sous forme de globules gras, et aussi de lactose, qui est un sucre très particulier, qui n'est sécrété finalement que dans les cellules épithéliales mammaires. Par contre, on a parlé aussi de l'ocytocine, cette hormone-là, précisément, elle a plus une action au niveau de récepteurs qui ne sont pas directement sur les cellules épithéliales mammaires, mais sur des cellules myoépithéliales, donc de type musculaire, myoépithéliale, qui entourent finalement les alvéoles qui sécrètent le lait et qui va permettre justement la contraction de ces cellules au moment de la tétée. C'est-à-dire que on va comme appuyer sur une poire, comme si vous mettiez votre main sur une poire pour éjecter le lait. Voilà, c'est très comment dire, c'est très grossier entre guillemets ce que je dis, mais c'est voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je précise que par ailleurs, on a mis sur notre fil Twitter un certain nombre de liens et notamment des schémas qui permettent d'expliquer ou en tout cas de visualiser ce que vous décrivez l'une et l'autre depuis tout à l'heure, ce qui permet de fixer en fait sur une image les différentes cellules que vous évoquez. Peut-être un mot avant de passer précisément au lait maternel. Gisèle Grémaud-Fégé, on parle donc là en l'occurrence de régulation endocrine, la régulation autocrine, c'est finalement ce que vous expliquez, c'est-à-dire la régulation mécanique, celle de la TT, elle fonctionne à 100%. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement ? Bien, c'est cette régulation autocrine, donc une régulation locale, eh bien, c'est elle qui explique ce mécanisme de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les cellules alvéolaires se remplissent de lait entre les TT, eh bien, la vitesse de production est diminuée. On a bien mis en évidence, en termes de mécanisme global, ce mécanisme de régulation, c'est-à-dire que la vitesse de synthèse du lait, puisque le lait est fabriqué dans les cellules épithéliales mammaires de façon continue. Ce qui change, c'est la vitesse à laquelle il est fabriqué. Le lait est fabriqué, il est sécrété dans les alvéoles, il est éjecté à chaque fois qu'il y a une TT. Et cette vitesse de production, eh bien, elle s'accélère quand il y a des éjections de lait et elle se ralentit au fur et à mesure que les alvéoles se remplissent à nouveau entre les TT. Et donc, c'est ce mécanisme qui explique cette régulation autocrine et qui fait intervenir un certain nombre de mécanismes et de substances. Il y a une petite glycoprotéine qui agit directement sur le cycle drainage, remplissage de l'alvéole et sur la localisation de la prolactine à l'intérieur des cellules. Mais il y a aussi d'autres mécanismes qui interviennent pour faire un réglage très, très, très, très fin du volume de lait produit, eh bien, à l'intérieur de chaque sein et même à l'intérieur de chaque secteur de chaque sein. Un dernier mot peut-être à ce sujet, Gisèle Grémaud-Fégé, cette stimulation mécanique, la tétée du nourrisson donc, chez le nourrisson elle est totalement instinctive, c'est-à-dire que en fait quand on place le nouveau-né sur le ventre de la mère, il va spontanément remonter, glisser vers le sein pour aller chercher le sein, il est attiré, cet instinct-là, il est provoqué par quel type de stimuli ? Alors, vous avez raison de dire que c'est instinctif, mais il y a un certain nombre de prérequis. Il faut que le nouveau-né ait un comportement optimal, c'est-à-dire que la naissance se soit passée de façon aussi physiologique que possible. Il faut qu'il soit au bon endroit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vraiment sur le corps de sa mère, ventre à ventre. Et on sait que les stimuli qui sont à l'œuvre dans cette événement très très très instinctif, c'est le toucher et surtout l'olfaction, voilà, qui est un driver très très très puissant pour l'enfant, pour aller vers le sein spontanément, avec une séquence instinctive qui a été observée et décrite dans les années 90, qu'on s'est vraiment bien bien bien découpé avec une séquence très très particulière qui va se dérouler si on la laisse faire et si la mère et l'enfant sont dans les bonnes conditions et avec un environnement qui va le moins déranger cette séquence. L'olfaction qui est provoquée par quelle molécule précisément ? C'est une molécule très, très spécifique. Non. Alors, on n'a pas mis en évidence, en tout cas dans le lait, contrairement au lait de la pie, sur les travaux de Benoît Chal, qui a mis en évidence une phéromone, c'est plus un ensemble de substances qui sont émises à la surface du sein, par ces dispositifs qu'on appelle les glandes de Montgomery sur l'aréole, mais aussi par le lait lui-même. Et c'est un ensemble de substances qui sont très attractives. Je n'ai pas la notion qu'il y ait un élément en particulier, en tout cas dans notre espèce. On va continuer à évoquer cette lactation. On a parlé donc des processus maintenant de création. On va s'intéresser exactement au lait maternel. Qu'y a-t-il dedans ? Comment évolue-t-il au fil, depuis la grossesse jusqu'à quelques mois, voire quelques années après la naissance du nouveau-né ? Ce sera dans quelques secondes musicales. The bottle's just for low, a symbol of the door. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The doctors say no. The palace had been behind the door. When my afraid to scream, no milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turned that into gay. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned that into day. As the music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace had been behind the door? When my afraid to scream, no milk today. My love has gone away. The bottle stands for loan, a symbol of the door. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back to town. Becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for loan, a symbol of the door. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. No Milk Today de Herman's Hermit à 16h35 sur France Culture. C'est le thème de notre émission du jour. Nous parlons de phénomène de lactation, de lait maternel, en compagnie de Gisèle Grémaud-Fégé, qui est ex-pédiatre néonatologiste au CHU de Brest et enseignante et coordinatrice du diplôme universitaire lactation humaine et allaitement au CHU de Lille, et avec Sandrine Truchet, qui est chargée de recherche chez INRAE, nous allons nous intéresser maintenant aux prématurés qui ont, eux, besoin d'être allaité avec du lait maternel. Ce lait est en général récupéré par des dons dans des lactariums. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Nicolas. Vous vous êtes rendue au lactarium de l'hôpital Necker de la PHP. Oui, j'ai rencontré Virginie Rigour, pédiatre en réanimation néonatale et médecin responsable de ce lactarium. Un lactarium, c'est donc un établissement qui collecte, qualifie et redistribue du lait pour nourrir les plus vulnérables. Nous allons donc suivre ensemble les différentes étapes, de la collecte à la distribution, en passant par l'étape de pasteurisation, cruciale pour supprimer tous les germes, tout en conservant les qualités nutritionnelles du lait. Et en tout, ce sont près de 12 000 litres de lait qui sont redistribués chaque année à partir de ce lactarium régional. Des besoins stables, mais qui exigent des dons continus et réguliers. Dans cet établissement, il y a 12 000 litres de lait qui vont être comptés, qualifiés. 12 000 litres de lait qui sont finalement collectés sur l'ensemble de l'Île-de-France. On a deux collecteurs qui parcourent chacun 25 000 km et qui vont au domicile à peu près de 1 500 donneuses. Une partie de ces donneuses aussi sont des donneuses dans les hôpitaux. Et donc ce sont des mamans qui ont des nouveau-nés hospitalisés, soit prématurés, soit non prématurés, et qui produisent plus de lait que leur bébé a besoin, et qui vont aider par finalement l'information qu'elles ont auprès des professionnels de santé à donner ce lait. Voilà. Ces 12 000 litres de lait, en effet, ils vont suivre un parcours particulier jusqu'à, au final, être distribués pour environ 3 300 prématurés de moins de 1 500 et de moins de 32 semaines. Et ceux-là, ils ont un besoin vital, ils ne peuvent pas recevoir autre chose. Pourquoi c'est nécessaire pour eux? Parce que dans le lait de femme, il y a des propriétés biologiques et des propriétés nutritionnelles qu'on ne retrouve pas dans le lait artificiel, et qui permet de réduire chez eux certaines morbidités et diminuer aussi l'incidence de la mortalité. On diminue entre autres la survenue des infections secondaires, la survenue d'entérocolites, et d'accélérer finalement cette nutrition entérale qui est indispensable à leur sortie. Donc vous allez me suivre dans les locaux. Alors la première étape, ça va être la réception du lait, c'est-à-dire que nos collecteurs arrivent avec deux véhicules. Ils partent donc tôt le matin, reviennent dans le courant de l'après-midi et font environ une dizaine de mères par jour. Ce lait donc est transporté dans des caissons frigorifiques pour respecter la chaîne du froid et est apporté dans un local où il va être compté. On va vérifier l'identité de chaque biberon, compter le volume de lait qui est réceptionné et du coup pouvoir à ce moment-là le mettre en stock dans un grand congélateur. Donc si on suit la première étape, eh bien, il y a l'étape de stockage donc d'un lait qui est en attente d'être pasteurisé. En sac, du coup, avec encore l'identification de la maman dessus. Et après, sur la fin, on anonymisera ce lait. C'est-à-dire que le lait, c'est comme pour le don de sang, il est anonyme. Il est d'ailleurs gratuit, hein, c'est-à-dire que les mamans ne sont pas rémunérées. Elles ont juste des milliers de remerciements de notre part, et de la part probablement aussi de tous les parents de prématurés, mais elles ne sont pas rémunérées. Donc là, ici, vous avez un congélateur. Et je vais ouvrir le congélateur et vous voyez, il fait moins 18 dedans, même moins 25, avec des biberons de lait, qui est cet or blanc précieux. Il sera sorti tout à l'heure pour être mis dans un réfrigérateur, donc à plus 4 degrés, pour décongeler tranquillement la nuit. Et le lendemain, il va être mis en lot. Donc chaque biberon d'une même maman seront mis dans des grosses bonbonnes. On prélèvera pour avoir une analyse bactériologique de ce lait avant et après pasteurisation. Et ce lait va être pasteurisé à 62,5 degrés durant 30 minutes, ce qu'on appelle la pasteurisation de Holder. Quel est l'objectif de cette pasteurisation ? Détruire un maximum de germes, que ce soit des bactéries comme des virus et dont le cytomégalovirus, et rendre un lait bactériologiquement propre, mais préserver en même temps un maximum de propriétés anti-infectieuses, qualité nutritionnelle, vitamines, etc., pour que ces prématurés grossissent bien et pour qu'ils se défendent justement aussi contre ces infections et pour qu'ils tolèrent bien ce lait. Donc c'est vraiment un ajustement, une balance entre une sécurisation et en même temps un maintien de toutes les propriétés du lait qui sont irremplaçables. Donc là, on a un petit peu zappé une étape critique qui est l'étape de pasteurisation puisque elle se fait en zone fermée. On n'a pas le droit d'y rentrer. Là, il y a la fin de l'étape de pasteurisation. Ce gros bruit qu'on entend, c'est un surgélateur qui est en train de faire descendre ultra rapidement le lait qui était à 62 degrés dans les pasteurisateurs, hein, en dessous de moins 18 degrés, pour le congeler. Et donc là, je vais réouvrir un nouveau congélateur. Tous ces biberons qui sont en panier sont des laits en attente des résultats bactériologiques. Dans 48 heures, on aura les résultats. Et là, deux solutions. Soit on va devoir jeter ce lait dans ces bacs jaunes là, parce que le lait ne sera pas conforme malgré la pasteurisation. Soit il va pouvoir être distribué, et dans ces cas-là, voilà, on le met en pyramide, et tout ce lait pourra être utilisé pour nourrir les grands prématurés. Globalement, un prématuré de 1 kg est nourri avec environ 160 ml de lait quand il a ration complète par kilo par jour, donc il reçoit 160 ml de lait. Donc chaque flacon de 160 ml permet de nourrir complètement un prématuré pour une journée. Et il y a environ 3300 prématurés du coup, en Île-de-France qui en ont besoin. Alors là, on est à une étape un peu stratégique. Là, c'est la fin de l'étape de traitement du lait. On est à la distribution du lait. C'est-à-dire que là, nous avons des coursiers de différents hôpitaux d'Île-de-France qui viennent chercher du lait qui a été pasteurisé, qualifié, qui est distribuable et qu'ils vont transporter en respectant la chaîne du froid jusqu'à l'établissement qui va utiliser ce lait pour nourrir les grands prématurés. Voilà, donc on a fini un petit peu le tour de l'établissement, sachant qu'ici aussi, il y a beaucoup de mamans qui viennent pour des conseils et qui appellent aussi pour des conseils allaitement. Et donc, quels sont vos besoins en lait ? Le besoin en lait de ferme, il est permanent, hein, puisqu'on a besoin quotidiennement de collecter pour pouvoir pasteuriser, pouvoir distribuer. Après, parfois, nous, les appels à dons, comme ça, dans l'urgence, sont dangereux parce qu'on est inondé d'appels. Il faudrait surtout arriver à ce qu'il y ait une promotion qui se fasse plus dans la longueur, dans la pérennité, que tous les professionnels de santé de périnate, que ce soit les sages-femmes, les péricultrices, les pédiatres, les obstétriciens, parlent de la notion de don de lait dans le parcours de vie d'une femme avant même qu'elle ait la décision d'avoir un bébé et d'allaiter. Voilà ce reportage au lactarium de l'hôpital Necker à Paris. Peut-être une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Gisèle Grémaud-Fégé ? Oui, bien sûr, c'est que j'étais moi-même responsable du lactarium du CHU de Brest. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que faut pas peut-être garder l'idée que tous les enfants prématurés sont nourris avec du lait issu de lactarium. Le lactarium, c'est quelque chose qui va permettre aux enfants qui ne vont pas pouvoir recevoir le lait de leur propre mère, soit parce qu'elle a choisi de ne pas les allaiter, soit parce qu'elle n'y arrive pas ou qu'elle n'en a pas suffisamment. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants prématurés qui peuvent aussi recevoir le lait de leur propre mère, qui va leur être donné directement, sans être modifié par la pasteurisation, qui a bien sûr un impact sur les propriétés immunologiques du lait maternel. Évidemment. On va en reparler d'ailleurs dans un instant de ces propriétés immunologiques. Sandrine Truchet, un mot sur ce reportage. Je pense que effectivement les lactariums ont un rôle assez important pour un certain nombre d'enfants prématurés, entre autres. Hein, c'est ce qui a été dit et c'est très juste. Après, c'est vrai qu'il faut voir qu'une maman donneuse, ça demande de l'information et la promotion, comme l'a dit aussi la personne du reportage, parce que ça va contraindre la donneuse à tirer son lait, ce qui est quand même assez contraignant et pas forcément facile. Donc oui, il y a un besoin, mais il manque peut-être un peu de communication sur cet aspect. Eh ben, on espère que ce reportage et cette émission auront pallié une partie de cette absence de communication. Peut-être si on revient concrètement, Sandrine Truchet, avec vous sur le lait maternel, qu'est-ce que c'est que ce lait maternel concrètement, quelle est cette substance, si je puis me permettre de poser cette question comme ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en fait? Alors, je ne vais pas vous faire une liste parce que ça pourrait durer longtemps. Oui. Ce qu'il faut retenir, je pense, le plus important, c'est que le lait maternel, c'est un aliment complet. Donc, qui dit aliment complet, dit présence de protéines, de lipides et de glucides, c'est-à-dire vraiment les trois fondamentaux de l'alimentation humaine. Après, on peut aller plus loin, évidemment. Il y a aussi beaucoup de vitamines, il va y avoir des sels minéraux, des oligo-éléments, etc., etc. Il y a énormément de choses dans le lait et, évidemment, on l'a déjà dit, il y a aussi des anticorps et vraiment un aspect protection immunitaire de l'enfant. Donc c'est vraiment un aliment qui a non seulement le rôle d'aliment de nourrir, mais c'est aussi un aliment donc liquide qui a la propriété de protéger le nouveau-né au moins pendant la première partie de sa vie. Et tous ces éléments, ils sont récoltés où et comment dans le corps de la mère? Alors ils viennent essentiellement de l'alimentation maternelle. Hein, comme on dit des fois, ça pousse pas tout seul sur les arbres. Donc, en fait, non, mais ça veut dire que la mère doit avoir, au maximum, une alimentation, j'allais dire, relativement équilibrée. J'ose pas dire riche, mais en tout cas, vraiment équilibrée, parce que tous ces nutriments viennent en très grande partie, alors sous leur forme absorbée ou sous une forme transformée, tout provient de l'alimentation de la mère. Donc, effectivement, là, il y a une contrainte, entre guillemets, qui est... évidemment d'avoir assez accès à l'eau, parce que la base du lait c'est quand même l'eau, et puis d'avoir une alimentation assez variée pour trouver, on va dire, un certain nombre de lipides différents qui vont avoir des rôles différents sur le développement de l'enfant, et puis évidemment des protéines alors, qui sont fabriquées par la glande mammaire, on l'a dit, et puis voilà, enfin faut vraiment que le schéma soit complet et que cet aliment puisse se former et être riche pour l'enfant. Gisèle Grémaud-Fégé, vous vouliez réagir? Oui, je souscris bien évidemment à ce qui vient d'être dit et tous les éléments sont puisés à partir du sang, dans l'environnement de la glande mammaire. Mais c'est quand même la composition du lait est quand même extrêmement résiliente et il y a beaucoup de règles autour de ce qu'il faudrait manger, pas manger. Et on voit bien de l'expérience de ce qui existe de façon historique dans tous les pays où les mères n'ont pas forcément accès à une nourriture de qualité. La composition du lait, en particulier d'un point de vue macronutritionnel, elle est tout à fait satisfaisante dans dans de très nombreuses situations, y compris chez les mères qui n'ont pas forcément beaucoup de réserves ou qui n'ont pas accès à une alimentation extraordinaire. Mais c'est sûr que y a une autre chose que je voudrais souligner, c'est que très souvent on pense à qualité d'alimentation par rapport à la composition du lait pour l'enfant, mais il faut bien comprendre que le lait se fait aussi aux dépens du statut maternel. Et chez les mères justement qui n'ont pas beaucoup de réserves ou qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité, eh bien la lactation, plus qu'entraîner un lait défaillant, peut retentir sur leur propre santé à elles. Voilà. Parce qu'elles les privent elles-mêmes d'un certain nombre d'éléments qui vont passer dans la lactation pour le nouveau-né, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que bon, dans les cas extrêmes, chez les mères qui n'ont vraiment pas de réserve ou un apport calorique très déficient, on pourrait prendre l'équivalent chez nous d'une mère qui a une anorexie et qui est vraiment extrêmement maigre et avec peu de réserve. Elle ne va même pas pouvoir soutenir une lactation dans la durée si elle n'a pas beaucoup de réserves. Mais voilà, chez une mère qui arrive à faire des volumes de lait suffisants, c'est sûr qu'il y a des micronutriments que l'on appelle à priorité élevée qui peuvent, s'ils sont absents ou insuffisants dans les réserves ou l'alimentation de la mère, peuvent avoir un impact sur la composition du lait. C'est surtout vrai pour certains micronutriments ou vitamines, mais c'est vrai aussi pour le statut de santé de la mère. Un mot, Sandrine Truchet, sur la variation du lait. On l'a dit tout à l'heure, hein, différents types de lait, le colostrum au tout début, dans les premières 48 heures après la naissance du nouveau-né. Puis on parle de lait de transition, de lait mature, et le lait va même changer au cours de la tétée. C'est-à-dire que ce lait, il mute beaucoup en fonction et du moment de la tétée et de la durée de la tétée. Bref, ça n'est jamais tout à fait la même chose, en quelque sorte. Oui, alors avec toutes les modérations, bien sûr. Alors, le lait ne mute pas, mais simplement, la composition va s'adapter. Alors, on l'a dit, dans le temps, au cours de l'allaitement, et effectivement aussi au cours d'une tétée. Ça, c'est des choses qui ont été mesurées, qui sont connues. On sait que le lait en début de tétée n'est pas exactement le même qu'en fin de tétée. Mmh. Alors, ça change pas du tout, bien sûr. C'est en fait une histoire de ratio glucides, lipides, protéines essentiellement. On sait, par exemple, qu'en fin de tétée, il y a un peu plus de lipides que de caséine. Mais ça, c'est dû vraiment au mécanisme de sécrétion et de production des produits du lait. On sait également, comme vous le disiez tout à l'heure, que le colostrum est beaucoup plus chargé dès le début en élément immunologique que ne va l'être le lait de transition ou le lait mature après. Alors oui, simplement aussi parce que le colostrum n'est pas un lait entre guillemets complet. Les protéines du lait notamment vont être synthétisées de manière graduelle au cours de l'établissement de la gestation. Donc c'est pas encore une sécrétion très forte et en plus, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas possibilité chez la femme de stocker une grande quantité de lait comme par exemple dans le pis d'une vache. Donc ce qui va s'accumuler dans les canaux et dans la glande mammaire pendant la gestation, c'est quelque chose qui n'est pas un lait classique tel qu'on l'entend après la naissance. Mais par contre, c'est le colostrum donc qui contient énormément d'anticorps, ce qu'il y aura encore par la suite, hein, puisque les anticorps de la mère, en partie, passent dans le lait en provenance du sang de la mère. On lit beaucoup, et notamment depuis quelques années, l'importance de l'allaitement, de ce lait maternel, dans le développement du microbiote et du microbiome du nouveau-né. Ça, c'est absolument avéré. C'est une importance qui se joue dès les premiers jours, qui doit se jouer au long terme. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Sandrine Truchet ? Alors, c'est quelque chose qu'on explore depuis quelques années, hein. La notion de microbiote, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Mmh. Et on sait que l'établissement du microbiote, il va passer par l'allaitement. Alors, si une femme n'allaite pas, ça ne veut pas dire que l'enfant, bien sûr, n'aura pas de microbiote. Mais on sait qu'il y a quelque chose quand même vraiment qui se transmet de manière physiologique, hein, et qui va avoir un impact à long terme, pour le coup, sur le métabolisme de l'enfant et même dans sa vie adulte. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier qu'on commence seulement à comprendre. On n'a pas encore tous les détails, mais clairement, le fait d'allaiter a un impact, ou en tout cas joue un rôle dans l'établissement du microbiote chez l'enfant, oui. Alors, on sait aussi, parce qu'on en avait parlé à ce micro, hein, que l'établissement du microbiote chez l'enfant, il commence dès la naissance par voie basse, où il y a une contamination du microbiote vaginal chez le nouveau-né. Donc, il y a évidemment plein d'éléments qui vont constituer ce microbiote. Peut-être un mot, Gisèle Grémaud-Fégé, là-dessus, sur les conséquences que l'on sait ou que l'on commence à discerner sur l'allaitement, le microbiote chez le nouveau-né, puis chez l'enfant et chez l'adulte. Qu'est-ce qui peut changer ? Quelles sont les conséquences positives que cela peut avoir, ou négatif si, par exemple, il y a eu très très peu d'allaitement. J'irai pas jusque chez l'enfant et chez l'adulte, parce que je pense que c'est difficile de faire le lien, Mais parmi les découvertes assez récentes, c'est vrai que le fait de découvrir qu'il y avait un microbiote lacté, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pendant très longtemps, toutes les études étaient centrées sur rechercher des micro-organismes qui étaient de potentiels pathogènes, oui. Alors que on a effectivement un microbiote. L'enfant à l'été ingère en moyenne 10 puissance 5 à 10 puissance 7 bactéries, et c'est clair, ça va constituer son microbiote intestinal. C'est un microbiote où il y a beaucoup de staphylocoques, streptocoques, lactobacillus, entérocoques et aussi bifidobactéries, voilà, qui sont les espèces bactériennes qui sont transférées de façon prédominante. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'intéresser comment est constitué ce microbiote. On sait qu'il vient à la fois, il est transféré de façon endogène par un mécanisme de translocation à partir de l'intestin de la mère, qu'on appelle la voie entéromammaire, mais aussi par voie, il va se constituer par voie rétrograde en fonction du microbiote, de ce qui est présent dans l'environnement de la glande mammaire et dans la bouche de l'enfant. Et c'est sûr qu'un certain nombre des effets qu'il est d'ailleurs difficile de mesurer d'un point de vue scientifique, ce sont toujours des corrélations, pas des liens de causalité. En tout cas, beaucoup des effets qui vont être observés sur la santé de l'enfant, y compris sur le long terme, que ce soit d'un point de vue des pathologies infectieuses, des pathologies métaboliques, est lié à la constitution de ce microbiote. Alors, vous l'avez dit, c'est pas uniquement la nutrition et l'allaitement maternel qui vont constituer le microbiote du futur enfant et du futur adulte, mais les modalités de la naissance et les modalités de l'alimentation sont quand même des déterminants majeurs dans la constitution de ce microbiote et donc de la future santé de la personne concernée. Bien sûr. Sandrine Truchet, vous vouliez réagir. Oui, juste pour compléter, alors quand je disais chez l'enfant et chez l'adulte, sans aller trop loin, parce qu'effectivement, il s'agit toujours de corrélations, de choses voilà, qui ne sont pas forcément mesurables de manière complètement finie. Effectivement, on sait quand même qu'il y a potentiellement un rapport avec certains syndromes métaboliques. Je pense, je vais donner l'exemple de l'obésité, mais il y a d'autres exemples. On sait que le fait d'allaiter ou d'avoir un lait maternel d'une certaine qualité, etc., évidemment avec le microbiote qui est contenu dedans, peut avoir des conséquences sur l'enfant et même potentiellement à plus long terme. Mais ce sont des études qui sont essentiellement... alors il y en a beaucoup chez les rongeurs et les animaux de laboratoire qui commencent à être faites aussi chez l'humain. Donc là aussi, ce n'est pas des résultats pour l'instant complètement définitifs. Peut-être un dernier mot ou un mot de conclusion, Gisèle Grémaud-Fégé. Alors, on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder les liens qu'il peut y avoir entre allaitement et cancer du sein. Ces liens, pour le moment, ils sont avérés peut-être en un mot et demi, parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps. Oui, je dirais que voilà, les preuves d'une association protectrice sont quand même assez convaincantes, assez fortes, même oui. Si ce ne sont toujours que des corrélations, qu'il n'y a pas de lien de causalité. Dans la dernière méta-analyse que j'ai lue, on considère qu'il y a une réduction du risque de cancer du sein qui est estimée à 2% pour une augmentation de 5 mois de la durée d'allaitement au cours de la vie, mois d'allaitement cumulatif, avec vraisemblablement des différences selon le type de cancer. C'est aussi une pathologie multifactorielle, oui. Il n'y a pas que le fait d'avoir allaité ou pas qui intervient. Bien sûr. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Gisèle Grémaud-Fégé. Merci Sandrine Truchet d'être venue nous parler de lactation, d'allaitement et de ces mécaniques qui amènent à la création du lait maternel et du lien qu'il peut y avoir avec le nouveau-né. Merci également à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, à Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Amel Boucherka, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation et Dalia aujourd'hui à la technique. Comme toujours, la méthode scientifique. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'application Radio France ou nous réécouter en ligne sur le site franceculture.fr et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.